mystère de nous passagers sur la terre. On est venu pour quoi faire, à quoi ça sert, parler ou se taire, travailler, chercher des airs, vous dire ce qu'on a déjà dû vous dire. La vie c'est du plaisir ou des soupirs. Pourquoi on est là? Mais moi je sais quoi, je suis venu pour elle, pour qu'on s'endorme ensemble. Je suis là pour l'amour. Il semble que dire de naître et après de mourir, de ne jamais rien pouvoir voir, jamais savoir défaite ou victoire. Le ciel, elle, c'est la seule raison pour moi, elle, d'aimer danser dans ce bal, sous les étoiles, musique et mystère, mais pour moi, tout est clair, je suis venu pour elle. Ensemble, qu'elle vole avec mes ailes. Je suis là pour l'amour. Il semble, je suis venu.